Moi, je suis là pour faire qu'on vous dire que vous êtes supposé savoir par vous-même. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis pas là pour vendre rien. Je suis pas là pour faire la promotion de rien. Au contraire. Au contraire. Donc, je vais pas commencer à vous dire quoi faire. Comme des fois, je parle de mon expérience personnelle, puis mais le monde, il y a une façon de penser, sont intellectuels. Ils sont dans l'intellect. Ils sont dans le mental, mais le mental pas épuré, le mental mécanique. Comme à un moment donné, je parlais que bon, que ce qui fait que finalement la plus grosse motivation que j'ai eue pour arrêter de fumer encore, c'est l'argent. Puis là, tout de suite, il y en a un qui s'en va écrire. J'ai vu ça, ils s'en va écrire. La principale motivation devrait être la santé. Mais oui, mais t'es trop intellectuel, toi, là. T'es dans le mécanique. Tout se touche, là. Il n'y a rien qui est séparé. Alors, regarde statistiquement, c'est qui meurt. C'est quoi le facteur qui fait les gens qui ont la moins grande espérance de vie, puis tout, mais c'est la pauvreté. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que d'avoir plus d'argent, mon ami. T'es-tu un imbécile ou quoi? Êtes-vous des épais, coudonc? Êtes-vous des cabochons? Des fois, j'ai l'impression que je m'adresse à du monde. Il y en a dans la gang, dans ces gangs-là, puis il y en a pas mal, c'est des petits-enfants. C'est des petits-enfants. Puis après, on ne surprend pas que ça ait pogné de même, les bouddhistes tibétains. Puis à un moment donné, si on allume, le bouddhisme tibétain, il va prendre le bord. Il va prendre le bord. Parce que c'est des crosses. C'est-à-dire le haut astral, peu importe les formes qu'il va prendre, peu importe les traditions qu'il instrumentalise, tout le temps de la marde. Prenez le Rinpoché, là. Hein? Lui, il disait à des femmes, il disait, oh, si tu te fais violer, supposément, ça aurait été rapporté, si tu te fais violer, c'est parce que ton ancienne vie, tu étais un homme violeur, puis là, c'est bon pour ton karma. Car, Christ de Christ, c'est des crosseurs, c'est de la crosse. Il y en a, ils chiolent contre le catholicisme, ils chiolent contre ci, ils chiolent contre ça. Mais oui, mais. C'est-tu mieux, là? Est-ce que c'est mieux, des affaires de mer? Je veux dire, vous la voyez pas, là? En tout cas, parce que dans le fond, c'est de faire vivre des mendiants. Moi, je les considère comme des. Bon, quand j'étais plus jeune, vers 12-13 ans, à un moment donné, j'ai eu un petit intérêt pour le bouddhisme tibétain. Mais quand j'ai vu la vieille taupe au safran, puis que j'ai senti la vibration qu'il y avait, ça allait arrêter là. C'est pour ça que, d'une certaine façon, je suis content d'avoir cette sensibilité-là. Ça me faisait le même effet que Saïd Baba, là, ces choses-là. Mais je suis bien conscient que c'est pas tout le monde qui a cette faculté-là. C'est pas tout le monde qui le sent. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme l'autre, là. Supposément, c'est des farces ludiques et. Tiens, quand il dit aux jeunes, il essaye de l'embrasser sur la bouche, en plus devant tout le monde. Imaginez quand c'est pas en privé. Ah, ouais, c'est des jokes, puis tout. Ah. Moi, avoir un manger de marde de même, de maudit. Je dirais. D'après moi, dans une autre vie, t'étais un gars violent qui donnait des coups de poing sur la gueule aux autres, puis là, c'est peut-être le temps que j'allège ton karma. Hein? Gang de stides. J'ai honte, c'est juste de penser qu'il y a des Québécois là-dedans, comme Ricard, puis. En tout cas, question, le Tibet. Le Tibet, messieurs, fait partie de la Chine. Désolé. Désolé. C'est sûr, je suis pas content de qui est au pouvoir en Chine, le Parti communiste chinois, puis ce qu'il y a derrière, puis tout. Mais il reste qu'à mes yeux, le Tibet, il fait partie de la Chine, là. Je l'ai tout le temps. C'est un protectorat, puis bon. Il y a longtemps, il y a très longtemps, c'était un royaume guerrier, puis tout, mais bon, ils sont devenus, bon, selon leur propre patente, peut-être qu'ils ont du karma brûlé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'ils s'arrangent avec leurs affaires. qui s'arrangent avec leurs affaires. Est-ce que c'est à des Occidentaux qui ont été en perte d'identité à partir de l'adolescence des baby boomers de payer pour faire construire des lamaseries, puis payer des robes safran, puis entretenir ce monde-là? Moi, je ne suis pas là pour dire au monde quoi faire. Puis tout, mais tant qu'à moi qui mange de la marde, ils auront jamais une scène de moi. Ben ça, moi, tant qu'à moi, ça sert à rien, ces affaires-là. À part à du monde, peut-être au niveau de leur vécu, à brûler de la naïveté au niveau de leur expérimental. Bon. Moi, mon but, c'est qu'on soit moins naïf. Ou bien qu'il y ait certains repères au niveau de quelqu'un qui parle de son expérience pour que l'individu se retrouve dans le collectif puis se rende compte que oui, on peut brûler de la naïveté. Mais pour ça, il faut observer. Il n'y a pas d'autre façon, hein. Faut observer. Puis aussi, jusqu'à un certain point, être son propre programmateur. Puis, vouloir être capable de se mettre en condition de se dire, moi, je veux voir ce qui est réel, même si ça ne fait pas mon affaire. Même si c'est quelque chose qui ne fera pas mon affaire, je veux le voir quand ça va être le temps. Puis ça, c'est pas du désir, c'est de la volonté. Puis, c'est pas de l'apprentissage, c'est de l'intégration. Tout ça, c'est bien subtil, hein? Bien, bien subtil. Une chose est sûre. C'est pas des vieilles taupes en robe safran qui vont m'instruire de quoi que ce soit. Ça, je le dis en mon nom personnel, au niveau de mon expérience. C'est mon opinion subjective à moi, mais c'est aussi mon expérience mise en parole. Parce que je suis honnête par rapport avec ma propre perception. Mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour dire quoi faire. De toute façon, j'ai pas une grosse incidence. Hein? Puis je suis pas important. Et merci, Dieu, merci. Le mal, c'est ce qui n'est pas à sa place. Pas besoin de se le faire enseigner par une vieille taupe au safran pour le voir, ça. C'est de l'observation. Puis on a tout ce qu'il faut dans notre culture occidentale, les bases, pour aller même plus loin que la subjectivité de l'intellect mécanique, du mental. Mais pour ça, il faut comprendre que notre émotivité entretient une subjectivité. Opacifie, non, que c'est ça. Bon, j'ai pensé de la fourrure de minou. Entretient une opacité de notre lentille, si vous voulez, de notre ego. C'est toutes des choses qu'on a déjà on a parlé amplement les années d'avant. Et rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, si vous êtes assez solide pour vous rendre jusque dans le soleil sans brûler, là, vous allez être nouveau. Ça va être nouveau. Puis c'est pas du luciférisme, ça. Rien à voir. C'est le simple cours des choses. Bonne semaine.